revenu foncier, logement dont le propriétaire se réserve la jouissance. Une SCI doit être regardée comme s'étant réservée la jouissance de l'immeuble dont elle est propriétaire, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle a accompli toutes les diligences nécessaires en vue de sa mise en location, compte tenu notamment du délai de plusieurs années entre l'acquisition de l'immeuble et sa mise en location à l'issue des travaux effectués. Par suite, les dépenses engagées par la société pour la réalisation de ces travaux ne sont pas déductibles et le contribuable associé de la société ne peut pas imputer sur son revenu global les déficits fonciers correspondants.